Depuis que je le connais, M. X a évoqué à plusieurs reprises l'affaire Ben Barka, en me laissant entendre qu'il connaissait la vérité. On a peut-être du mal aujourd'hui, plus de 30 ans après les faits, à imaginer la tempête soulevée par cet assassinat sans cadavre. Fin octobre 1965. Lors de la disparition de Mehdi Ben Barka à Paris, la campagne présidentielle française battait son plein. Pour le général de Gaulle, candidat à sa propre succession, un tel scandale ne pouvait tomber plus mal. Et le général, il faut le rappeler, sera mis en ballotage par François Mitterrand. Un scandale, oui. Car très rapidement, on va apprendre que des policiers français sont compromis et qu'ils ont peut-être été couverts par leurs supérieurs hiérarchiques. Puis on découvre que les services secrets ont failli et qu'ils ont joué un rôle occulte dans l'enlèvement du leader marocain. Enfin, grâce à une presse particulièrement offensive, on met à jour une nébuleuse inquiétante où se meuvent des barbouzes employés par des polices parallèles, des truands de haut vol et des hommes politiques proches du pouvoir et des espions. Incontestablement, le régime est atteint. Car l'opinion publique réalise très vite que c'est le pouvoir gaulliste qui a enfanté ces chimères. Et dès sa réélection, De Gaulle réagira en tranchant dans le vif. Le SDEC, notre service de renseignement, sera la principale victime de l'affaire Ben Barka. Désormais rattaché au ministère de la Défense et donc soustrait à l'autorité du Premier ministre, il ne devra plus s'occuper d'affaires intérieures et quelques-unes de ses branches sont purement et simplement coupées. Mais il reste que malgré cette apparente fermeté, la vérité ne verra jamais le jour. La justice sera invitée à ne pas se montrer trop curieuse et des questions bien embarrassantes ne recevront jamais de réponse. Un mot encore. Qui était Ben Barka? Chef de l'opposition de gauche au Maroc, condamné à mort par contumace dans son pays, c'est une des figures de la lutte pour l'indépendance. C'est aussi un leader tiers-mondiste éminent et respecté qui rêve de réunir les combattants anti-impérialistes au sein d'une organisation appelée la Tricontinentale. Il vit entre Genève et le Caire et passe souvent par Paris. En mars 1965, le Maroc est secoué par d'importantes manifestations hostiles au régime du jeune roi Hassan II. La répression menée par le ministre de l'Intérieur, Oufkir, est particulièrement sanglante. Des centaines, peut-être même des milliers de manifestants sont tués par les forces de l'ordre. Hassan II est ébranlé. Le trône a été provisoirement sauvé grâce à la violence de la répression. Mais l'opposition n'est pas jugulée pour autant. Hassan II pense alors à Ben Barka. De discrets contacts se sont donc pris avec Mehdi Ben Barka, des contacts qui vont peut-être signer la condamnation à mort du leader marocain. Sauras sourire. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Je préfère vous le dire tout de suite, je n'ai jamais rencontré Mehdi Ben Barkhane. Ah, pour une fois. Je ne peux quand même pas connaître tout le monde. Et puis autant vous l'avouer, ce n'est pas pour cette raison qu'après avoir longtemps hésité, j'ai enfin décidé de vous parler de cette sordide affaire. Alors, dites-moi la vraie raison. Eh bien, même si depuis longtemps je n'avais plus beaucoup d'illusions, j'ai quand même, oui, été surpris par le cynisme dont ont fait preuve les principaux acteurs de l'affaire. Des hommes que je connaissais, et avec lesquels j'avais eu de nombreuses relations. Ouais, vous voulez parler des barbouzes, hein, comme on les a appelés à l'époque. Oui, oui. Et aussi des principaux responsables de la police, et de quelques sommités politiques. Et ça vous a marqué ? Oui, c'était comme une sorte de gouffre qui s'ouvrait sous mes pieds. Ouais, ouais, bah dites alors. Hein. Hassan II, au printemps 1965, est en fâcheuse posture. Il se dit que Ben Barka, qui, entre parenthèses, a été son précepteur... Précepteur ? Oui, c'est lui qui lui a appris les maths. Ça, j'ignorais. Hein. Donc, Hassan se dit que ce serait intelligent de rappeler Ben Barka, qui est resté très populaire au Maroc. Et le rappeler pour lui demander de former le gouvernement, non ? Sans doute. Mais Hassan II, qui est un malin, poursuit au moins deux autres objectifs. D'abord, il trouve que son ministre de l'Intérieur... Ah, ça, je connais, c'est Oufkir. Hein. Oui, Oufkir, qui commence à prendre une trop grande place auprès de lui. Et sans nul doute que le retour de Ben Barka mettrait un terme provisoire aux ambitions du général. Mais il y a aussi autre chose. Les menées internationales de Ben Barka commencent à sérieusement inquiéter les Américains. Et l'appeler au gouvernement du Maroc, ce serait une façon élégante de l'occuper. Oui, puis j'imagine que le roi Hassan II n'a pas grand-chose à refuser aux Américains. Vous avez compris. Donc très discrètement, Hassan II fait contacter Ben Barka. Et par qui, hein ? Par un de ses cousins, qui se trouve être un bon ami du leader marocain. Et ça donne quoi, ces contacts-là ? Ben Barka est séduit, mais il hésite. Jusqu'à quel point peut-il faire confiance au roi ? Et puis, il met une condition. Il faut qu'Oufkir, responsable des massacres du printemps, soit chassé. Et ça, pour Hassan II, c'est difficile. Mais là n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est qu'Oufkir est mis au courant de ses contacts. Ah, par qui ? Je ne sais pas. Quelqu'un dans l'entourage du roi, ou le roi lui-même. Le roi, je comprends pas. Là. Bon, ce serait pas la première fois qu'un dirigeant ferait preuve de duplicité. Oui, d'accord, mais... Vous avez dit qu'il avait besoin de Ben Barka. Il en a eu besoin. Mais au Maroc, la situation s'est apaisée beaucoup plus rapidement que prévu. Et le roi pense peut-être qu'il est désormais inutile de s'encombrer d'un type qui lui mettra forcément des bâtons dans les roues. Mmh. Admettons cette explication. Donc... Oufkir est mis au courant de cette tentative de rapprochement. Et il réagit mal, très mal. Ben Barka, c'est l'ennemi, le rival, l'homme à abattre. Et quand on connaît un peu ce type, on se dit qu'il vaut mieux ne pas lui marcher sur les pieds. Je me souviens, moi, de ces photos. Impressionnant, photos d'Oufkir, n'est-ce pas ouais. Un visage osseux, en lame de couteau, des cicatrices de brûlure. Une sorte de peau rouge fiévreux, vibrant d'orgueil et de cruauté. Et par ailleurs, c'est incontestable, un homme courageux. Qui a combattu avec les troupes françaises en Europe et en Indochine. Ce qui lui vaut de compter beaucoup d'amis en France. Il y a des compagnons d'armes ? Oui, des gens sur lesquels il peut compter. Mais n'allons pas trop vite. Alors que fait-il, là, ce peau rouge, comme vous dites ? Ben, il agit dans l'ombre. Un de ses sbires vient à Paris. Et vous savez qui ? Un certain Shtouki, le mystérieux Shtouki. Pourquoi vous dites mystérieux ? Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement qui il est. Or, c'est une des pièces centrales de l'affaire Ben Barka. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous ceux qui l'ont approché ont donné de lui un signalement différent. Mais c'est Arsène Lubin, votre Shtouki. Oui, ou Belphégor. Ouais. Rappelez-vous, au cours d'une célèbre conférence de presse, le général de Gaulle a affirmé que cette affaire Ben Barka baignait dans une atmosphère à la Belphégor. Ah oui, ça je me souviens, oui. Et pour revenir à Shtouki, on doit quand même avoir une idée, non ? Beaucoup de noms ont été prononcés, c'est exact. Et vous, vous ne savez pas ? Non. Alors là, vous m'étonnez. Mais c'est la vérité, je vais vous dire, peu importe, car s'il est vrai qu'il a joué un rôle essentiel, il l'a fait uniquement sur ordre d'Oufkir. Donc c'est un policier marocain. Un policier un peu spécial. Ouais, donc encore une barbouze. C'est à peu près ça, oui. Et tout naturellement, lorsqu'il vient à Paris, il rencontre d'autres barbouzes, bien françaises, celle-là. Alors allez-y, je vous écoute, là. Son principal contact s'appelle Antoine Lopez. Allez, là, ça, je sais, c'est le chef d'escale d'Air France à Orly. Vous avez une bonne mémoire. Mais Antoine Lopez est surtout un honorable correspondant du SDEC, comme on dit. Orly, c'est une très intéressante place d'observation. Oui, j'imagine, là, pour surveiller les allées et venues des étrangers. Bien évidemment. Mmh. Et puis aussi, pour fouiller les bagages de ces étrangers, y compris les valises diplomatiques. Et d'ailleurs, Lopez appartient à un service du SDEC, le service 7, dirigé par Leroy Fainville, dont c'est la spécialité. Leroy Fainville, qu'on va retrouver dans l'affaire. Oui, donc Stucki prend contact avec Lopez et lui expose un plan diabolique pour s'assurer de la personne de Ben Barka. Qui est ou qui était Stucki, l'âme damnée du général Oufkir? En 1991, Bernard Violet a publié « L'affaire Ben Barka » aux éditions Fayard. Je vous lis un extrait du compte-rendu qu'en a fait Gilles Perrault dans Le Monde diplomatique. Stucki était l'homme mystère de l'affaire Ben Barka. Il apparaît à tous les stades de sa préparation, représentant officieux des services marocains, mais ceux qui l'ont rencontré, dont la sincérité n'est pas la vertu principale. Le dépeigne tantôt long et mince, tantôt court et trapu. Au point qu'on pourrait penser que le patronyme Shtouki recouvrait plusieurs agents marocains. Le procédé qui permet de brouiller les pistes est classique dans les services. Bernard Violet croit avoir identifié Shtouki et même sans l'avoir rencontré. Il s'agirait d'Abderrahman El Hadjoui, ancien chef du protocole de Ben Arafa, le sultan fantoche installé par la France sur le trône après la déposition de Sidi Mohamed. Perrault écrit ensuite qu'Abderrahman El Hadjoui, proche d'extrémistes français du mouvement anti-indépendantiste Présence française, s'est opposé jusqu'au bout au retour du futur Mohamed V. Et il ajoute « On sait qu'Oufkir lui-même, d'abord soutien de Ben Arafa, retourna sa veste à la dernière minute. Il a évidemment travaillé la main dans la main avec Abderrahman El Hadjoui, aujourd'hui installé en France. Cette ancienne complicité fut-elle ravivée dans le dessein commun de venger Ben Arafa et d'empêcher toute réconciliation entre Hassan II et le principal dirigeant de son opposition, avec le but plus lointain d'une prise de pouvoir à Rabat. L'auteur l'écrit sans embâge. Mais revenons à mon entretien avec M. X. Je l'ai interrompu alors qu'il allait me parler du plan envisagé par Shtouki pour, comme l'a dit M. X, s'assurer de la personne de Ben Barka. Shtouki a une idée, proposer à Ben Barka de superviser un film sur la décolonisation. Oui, c'est l'époque, en effet. Mais attendez, avant de poursuivre là, quel est le vrai but poursuivi par ce Shtouki et son patron Oufkir ? Vous avez dit s'assurer de la personne de Ben Barka. Mm-hmm. Mais ça veut dire quoi exactement ? C'est une des clés de cette affaire. Moi, je suis sûr qu'il ne s'agit pas de tuer Ben Barka, mais de l'enlever. Et comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Réfléchissez. Si on veut éliminer Ben Barka, on ne combine pas une opération aussi compliquée. On recrute des tueurs professionnels et on le fait exécuter, rien de plus facile. Ouais. Mais l'enlever alors, l'enlever pourquoi ? Pour le faire parler, pour savoir exactement quelles sont ses intentions et où en sont par exemple ses contacts avec Hassan II. Oui, c'est assez plausible. Hein. Alors j'en reviens au plan de Shtouki. Son idée de film, trois personnes sont dans le coup. Lopez, bien sûr, un journaliste indépendant, un certain Philippe Bernier, et un type étrange, un nommé Figon, Georges Figon. Ah oui, l'homme qu'on retrouvera suicidé. Oui. Mais pourquoi il est étrange ce type-là ? Parce que ce repris de justice, et c'en est un, fréquente à la fois le milieu des truands, j'entends, et les cercles intellectuels. C'est un familier de Saint-Germain-des-Prés et de Pigalle, un voyou qui a des lettres et qui, à l'occasion, est aussi indicateur de police. Joli personnage. Hein. Derrière lui, il a un mentor, un personnage qui n'est pas moins curieux, un avocat, Pierre Lemarchand. Devenu député, il a été quelques années plus tôt l'un des organisateurs de la lutte clandestine anti-OS. Ouais. Ça, je me souviens aussi, les barbouzes d'Alger. Hein. Oui. Ouais. Mais quand vous dites que Lemarchand est son mentor... Le marchand, qui a été son condisciple, veille sur Figon. Il le conseille et essaie de lui éviter de faire des faux pas. Ouais. Et pourquoi Shtouki a-t-il choisi ces hommes-là ? Bernier, le journaliste, connaît Ben Barka. Figon, lui, a des relations avec le cinéaste Georges Franju et Marguerite Duras, qui pourrait écrire Marguerite. Le scénario du film. Enfin, ce n'est pas le seul intérêt de Figon, je vous l'ai dit. Il est aussi à coquiner avec des gangsters, des vrais, enfin des types comme Bouche Sèche, un ancien de la Carlingue. La Carlingue, c'est la Gestapo française. Hein. Oui, la bande à Bonny et Lafont. Et il se trouve, ce n'est pas un hasard, que ce Bouche Sèche a des intérêts au Maroc et qu'il est également très lié à Lopez. Ouais, le monde est tout petit. Hein. Il faut aussi ajouter que Bouche Sèche et quelques autres de ses amis ont souvent travaillé comme homme de main pour le SDEC. Rappelez-vous l'enlèvement du colonel Argout, c'était eux. Oui. Donc... Le piège se met en place. Mais est-ce que tous les acteurs de l'affaire savent de quoi il s'agit ? Figon, sans nul doute. Bernier et Franju, certainement pas. On se sert d'eux pour appâter Ben Barka. Et notre homme du SDEC, là, Lopez ? Lui aussi, il est dans la confidence. Ah, ouais. Et d'ailleurs, dès les premiers contacts, il avertit son supérieur hiérarchique. Le roi Finville. Hein, exactement. Donc très vite, au SDEC, on sait que quelque chose se prépare contre Ben Barka. Hein. Oui. Ouais. Et personne ne réagit ? Non. Alors, qu'est-ce que ça signifie, selon vous ? Ben, il existe un tel réseau de complicité entre tous ces hommes que chacun d'eux peut se dire, ben, si celui-là en est, c'est qu'on est couvert en haut lieu. Ça ne me paraît pas encore tout à fait clair. Hein. Bon, ben, je vous explique. La France et le Maroc sont très proches. Ça, oui. Les ministres se connaissent bien. les chefs respectifs de la police coopèrent. Ouais. Et la colonisation a laissé des traces. Et les services secrets ? Bien. Les services secrets français et marocains entretiennent eux aussi d'excellents rapports. Question de tradition. Or, dans la préparation de cette affaire, que constate-t-on ? Les services spéciaux marocains recrutent une bande de truands qui travaillent déjà pour les services français. Ça ne peut donc que résulter d'un accord général entre les deux pays, vous commencez à comprendre. Un peu mieux. Oui. J'ajoute que c'est là que se trouve la suprémabilité de ceux qui sont à l'origine de l'opération. C'est de faire croire que l'affaire est couverte en haut lieu. Mais qui sont ces hommes-là, là ? J'y viendrai, je vous le promets, mais poursuivons. Ben Barka est très intéressé par les propositions de Bernier et Figon. Et malgré un emploi du temps très chargé, il accepte de les rencontrer à Paris en compagnie du metteur en scène Franju, afin de discuter de ce film sur la décolonisation. Vous parlez là d'un emploi du temps chargé pour Ben Barka. Hein, parce que Ben Barka est alors chargé d'organiser la première réunion de ce que l'on a appelé la tricontinentale. Une réunion qui doit se tenir à Cuba au début de l'année suivante. Oui, la tricontinentale, c'est la réunion des pays du tiers-monde. Oui, hein. D'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Une première réunion afro-asiatique avait eu lieu à Alger en 1964. Et le président Ben Bella y avait dressé une véritable charte d'action pour les pays du tiers-monde. Il avait surtout appelé les pays d'Amérique du Sud à rejoindre ce mouvement. Et il était particulièrement emblématique que cette première réunion se passe à Cuba. Oui, c'était un véritable pied de nez aux Américains. Bien évidemment, une véritable provocation. D'autant que les dirigeants de tous ces pays montraient du doigt l'impérialisme économique américain et soutenaient ouvertement les leaders noirs qui, aux États-Unis même, luttaient pour l'égalité raciale. Donc, ça je savais, là, Ben Barka était un homme qui embarrassait les Américains. Embarrasser hein, est un verbe qui me paraît faible. Oui, d'accord, mais on va être poli. Mais est-ce qu'il aurait pu être... Est-ce que les Américains auraient pu être éventuellement tentés de l'éliminer physiquement ? Pourquoi pas ? Alors, ce sont eux ? Je n'ai pas tout à fait dit ça, mais je n'exclus pas non plus qu'ils aient à un moment ou un autre donné un coup de main, ou tout au moins des encouragements. Mais sans apparaître. Voilà, j'y reviendrai. Donc, Ben Barka arrive à Paris fin octobre 1965. Comme un simple touriste ? Apparemment, oui. Il ne fait l'objet d'aucune mesure de surveillance ou de protection. C'est quand même étonnant, parce que on sait qu'il débarque sur notre sol. Et... Bien évidemment. La police des frontières a fait son boulot et a signalé son départ de Genève. Bon, alors, si c'est ça, si ce que vous dites est vrai, à Paris, que fait-il ? Il a rendez-vous pour le déjeuner avec Bernier, Figon et Franju. En attendant, il dépose ses bagages chez un ami. Puis il rencontre un étudiant marocain en histoire, un certain Azmouri, qu'il veut associer à la conception du film. Et donc, il y croit, ce film. Hein. Absolument. Et c'est donc avec ce jeune homme que Ben Barka arrive sur le coup de midi devant le directeur de Saint-Germain-des-Prés. Et cette présence inattendue va mettre en péril le beau scénario mis au point par les ravisseurs de Ben Barka. Jacobi avait dit, c'est fini, j'en ai marre, mercredi je pars. Dans le ciel indécis flottaient de gros nuages gris. Pourtant Jacobi est parti marcher de midi à minuit. Marcher à tout jamais. Marcher, Jacobi marchait. Sont tombés sur la route et puis la pluie a redoublé. Coûte que coûte, Jacobi continuait pas à pas à avancer. Du nord à l'est, du sud à l'ouest, Jacobi cherchait au paradis un coin à l'abri avec un lit, un bol de riz. Jacobi disait, ça me suffit, marcher. De midi à minuit, marcher, à tout jamais, marcher, Jacobi marchait. a changé d'avis. Peut-être qu'il avait compris ou bien il n'en pouvait plus. Jacobi est revenu, il a appelé Ellie, son meilleur ami, à qui il a dit: j'entendais une sonnerie qui faisait battre mon cœur à l'infini. C'était vraiment très fort, je devais dire oui, pourtant je me demande encore ce qui m'a pris. Marcher de midi à minuit, marcher à tout jamais, marcher. Jacobi marchait. Monsieur X, vous l'avez deviné, va nous livrer une version inédite de l'affaire Ben Barka. Mais il reste que le général Oufkir, qui a d'ailleurs été condamné par contumace par la justice française, demeure le commanditaire le plus vraisemblable. Voici par exemple ce qu'écrivait Daniel Sarne dans un livre publié à la Table Ronde et consacré à l'affaire. Dirigeant progressiste de l'opposition marocaine, deux fois condamné à mort par la justice chérifienne, sur le point d'être amnistié par Hassan II, au moment même où, à La Havane, il va faire figure de héros du tiers-monde au cours de la conférence des trois continents, Ben Barka gênait Oufkir. C'est indiscutable. Indiscutable aussi le caractère autoritaire du général Oufkir. Fils d'une famille de notables, officier français, collaborateur des résidents généraux, au moment où la résidence générale signifiait répression pour les mouvements de libération marocains, Oufkir réussit néanmoins à se retrouver aux côtés de Mohamed V quand le sultan exilé revient en triomphateur. Oufkir est donc un habile, mais c'est aussi un efficace. Chef de la sûreté en 1960, général en 1963, il n'hésite pas alors, pour briser le complot de juillet, à interroger et à torturer lui-même les amis de Ben Barka, qui ne doit qu'à son éloignement de ne pas subir le même sort. Oufkir devient en 1964 ministre de l'Intérieur. C'est alors au Maroc l'instauration d'un régime policier dont personne, pas même le roi Hassan II, ne conteste l'autorité. Certains disent qu'Oufkir est le vrai roi du Maroc. Dans ces conditions, que le rapprochement entre Hassan II et Ben Barka l'ait gêné, c'est évident. Vous avez dit que la présence de cet étudiant marocain a risqué de mettre en péril le scénario des ravisseurs. Bien sûr, parce que vous vous rappelez sans doute, alors que Ben Barka fait les 100 pas devant le drugstore, il est abordé par deux policiers français. Ah oui, Souchon et Voiteau. Oui, ouais. Deux policiers qui présentent leur carte tricolore et embarquent Ben Barka. Mais le jeune Asmoury a assisté à la scène, et ça n'était pas prévu. C'était tellement peu prévu que les ravisseurs ont réellement pensé à supprimer l'encombrant étudiant. C'est-à-dire les deux policiers? Non, pas eux. Mais il y avait aussi des truands et des amis de Figon qui planquaient dans le secteur. Ah. Ce qui gênait les ravisseurs, c'était les cartes tricolores? Bien sûr. Personne ne devait savoir qu'on avait utilisé ce subterfuge pour enlever Ben Barka. Parce que c'était la preuve que les services officiels français étaient impliqués. Et ensuite, cet enlèvement devait se dérouler discrètement, sans témoin. Or, à cause du jeune Asmoury, très vite, on va savoir que Ben Barka a disparu. La présence de cet étudiant, c'est donc la première erreur. La première erreur dans cette affaire. Et la deuxième, alors? Elle se produit dans la villa de la banlieue sud où l'on a conduit Ben Barka. Ben Barka qui est gardé par Bouche Sèche et d'autres gangsters. Oufkir, suivi par son adjoint, le commandant Glimi, fait le voyage et se rend sur place. Et pourquoi ce voyage? Le ministre de l'Intérieur du Maroc ne peut quand même pas passer inaperçu. Vous avez raison. Et ce voyage n'était nullement prévu. Ce qui était prévu, c'était l'exfiltration de Ben Barka après son enlèvement et sa remise aux mains du général Oufkir. L'exfiltration, c'est-à-dire son... L'enlèvement, tout simplement, oui. Mais à partir du moment où il y a eu cette erreur fatale commise devant le drugstore, Ben Barka ne peut plus quitter le territoire français aussi aisément. Donc, Oufkir vient en France. Il y est contraint. Il est conduit donc devant Ben Barka. Là, que se passe-t-il? Honnêtement, je ne le sais pas. Oufkir a-t-il commencé à interroger le prisonnier à sa manière? Ben Barka a-t-il été victime d'un malaise au cours de cet interrogatoire? En tout cas, Ben Barka meurt. Et les truands sont chargés de se débarrasser du corps. Ça, c'est donc pour vous la deuxième erreur, une erreur fatale. Oui, oui, ce n'est pas la dernière. Parce que la barque va faire haut de toutes parts. Et petit à petit, on va apprendre que le SDEC est dans le coup depuis le début. Que les deux policiers, Souchon et Watteau, ont cru agir sur ordre et que de très hautes personnalités de l'État connaissaient la vérité dès le départ. Bref, c'est le scandale. D'autant plus qu'un homme rue dans les brancards et menace de tout révéler. Figon. Figon, oui. Et pourquoi? Ben, il veut de l'argent, c'est simple. Et il finira, comme vous le savez. Oui, ça, suicidé. Oui, enfin, un drôle de suicide. Ouais, je crois que, comme moi, vous n'y croyez pas. C'est évident. Et pourtant, il me semble me souvenir qu'au moment où il s'est suicidé, son appartement était cerné par les policiers. Vous avez raison, c'est vrai. Les policiers, très nombreux, attendent depuis plusieurs minutes. Pourquoi? On ne sait pas. Soudain, on entend un coup de feu. Les policiers enfoncent la porte, surgissent en nombre dans l'appartement et découvrent le corps inanimé de Figon. S'il y avait eu un autre policier caché dans l'appartement, un policier qui serait réapparu opportunément au milieu de ses collègues, est-ce qu'on s'en serait aperçu? Ça me rappelle Gaston Leroux. Exactement. Quant au coup de feu, il a été tiré dans la nuque à courte distance. C'est-à-dire qu'il pouvait aussi bien s'agir d'un assassinat que d'un suicide. Bon, la suite, vous la connaissez. Les deux procès, la condamnation des lampistes et celle plus symbolique du général Oufkir. Et la brouille avec le Maroc. Hein. Oui, le général de Gaulle a piqué une grosse colère. Ah, oui. Il l'a dit publiquement au cours d'une retentissante conférence de presse dont nous avons déjà parlé. Mais justement, je voudrais revenir sur cette conférence, car elle livre une des clés du mystère. Ah bon, expliquez-moi ça. Écoutez, je ne vais pas citer le général dans le texte, mais je peux vous dire de mémoire que de Gaulle, curieusement, a évoqué la responsabilité des revanchards dans le déchaînement de l'opinion contre le pouvoir. Et quel revanchard? Les nostalgiques de Vichy et de l'OAS. Ah. On pouvait vraiment se demander ce que venaient faire ces gens-là dans l'affaire Ben Barka. Oui, c'est vrai. Oui, mais... Eh bien, de Gaulle, en prononçant cette accusation étrange, a clairement montré qu'il savait. Qu'il savait quoi? Que ces revanchards avaient réellement joué un rôle dans l'enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka. Oui, attendez, je comprends pas. Mais quel rôle, là? Je vous ai souvent dit que dans les services, il existait des clans, des factions, qui, à l'occasion, jouaient un rôle occulte, personnel. Oui, y compris en bottant, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, hein, en bottant contre leur propre camp. Comme dans l'affaire Greenpeace, oui. Ouais. Or, après la déchirure de la guerre d'Algérie, il existait dans les services des gens qui n'avaient jamais pardonné à De Gaulle et qui étaient prêts à se venger à la première occasion. Et qui se sont saisis de cette affaire Ben Barka? Oui, oui. Ils ont tellement bien agi qu'ils ont tout embrouillé et qu'ils ont surtout fait en sorte que les informations concernant Ben Barka ne parviennent pas au sommet de l'État et donc que cet État apparaisse comme coupable. Au moment où se profilait l'élection présidentielle, ça n'était pas forcément mal vu et ça a coûté cher au général. Oui, pas la tâche. Mais tout à l'heure, vous avez parlé des Américains. Hein, oui, les Américains qui avaient tout intérêt à se débarrasser de Ben Barka. Eh bien, effectivement, ils sont intervenus, mais en se dissimulant derrière leurs alliés de toujours, les Israéliens et leur service secret, le Mossad. Je vois pas le rapport, là. Entre services, on peut se rendre des coups de main, non? Oui, mais pourquoi le Mossad? Les Israéliens entretenaient des rapports très étroits avec Oufkir. Ah. Oufkir qui avait permis à des milliers de Juifs marocains de gagner la terre promise. Mais alors, comment sont ou seraient intervenus les agents du Mossad? Oh, simplement en assurant un discret soutien logistique. Parce qu'entre nous, il était difficile de faire entièrement confiance aux gros bras du genre bouche sèche. Mmh. La suite l'a d'ailleurs prouvé. Parce que s'ils avaient bien exécuté la mission qu'on leur avait confiée, ils auraient dû éliminer le petit étudiant en histoire. Mais ça ne leur a pas porté chance. Et pourquoi? Eh bien, tous ces tueurs ont naturellement trouvé refuge au Maroc. Au Maroc, où ils ont fini par être assassinés après la chute de leur protecteur, Oufkir. Mais vous savez, c'est fou ce qu'on a pu mourir dans cette affaire. Ah bon, et bon, par exemple? On n'a jamais expliqué pourquoi, un an après la disparition de Ben Barka, l'un de nos agents, Yves Alain, a été retrouvé mort à Rabat. Mort après avoir été torturé. Et ça, vous pensez que ça avait un rapport avec Ben Barka? L'affaire Ben Barka? Oui. Alain, et ça j'en suis sûr, essayait de découvrir la vérité sur l'affaire Ben Barka. Il l'a payé de sa vie. Je voudrais vous dire une dernière chose, et vous comprendrez encore mieux pourquoi il fallait que Ben Barka disparaisse. S'il est venu à Paris, ce n'était pas tant pour voir Franju, Bernier, Figon. Non, Ben Barka devait être reçu par le général de Gaulle, avant la réunion de la tricontinentale. Difficile à avaler pour les Américains. Dans un livre récent, L'histoire des services secrets français, paru chez Albin Michel, l'historien américain Douglas Porch évoque les conséquences de l'affaire Ben Barka et les réactions du général de Gaulle. Je le cite. Selon l'un de ses plus proches collaborateurs, l'affaire Ben Barka fut pour de Gaulle un coup de projecteur aussi terrible sur la vulnérabilité du système que le putsch d'avril 61. Il s'agissait d'une tentative pour discréditer son régime, sa politique à l'égard de l'OTAN et par-dessus tout, son désir de soustraire les pays sous-développés à l'influence des deux blocs, puis de les amener à former un tiers-monde sous l'égide de la France. Selon ce scénario, l'enlèvement et l'assassinat probable d'une figure éminente et essentielle du mouvement des non-alignés comme Ben Barka sur le territoire national constituait une tentative délibérée visant à saboter sa politique. Et Porch ajoute plus tard, mais dans l'optique gaulliste, la France vivait sous la menace permanente de forces secrètes. Qui devait-on blâmer? La CIA certainement pensait de Gaulle. L'agence, était-il persuadé, avait conspiré avec Oufkir pour gêner son ouverture vers le tiers-monde et le punir d'avoir éloigné la France de l'OTAN. Enfin, ce même auteur confirme la thèse de M. X lorsqu'il écrit, je le cite à nouveau, « De Gaulle n'épargna pas les services israéliens et à la suite de l'affaire ordonna à ses services de rompre tout contact avec leurs homologues de Tel Aviv. À samedi prochain. »